Neuvième signe. Michaël sonnera un grand son, et les trous des morts à Jérusalem s'ouvriront, et le Saint béni soit-il les ressuscitera. Et le Messie, fils de David, ira avec le prophète Élie, ressusciter le Messie, fils de Joseph, dont les os avaient été réunis aux portes de Jérusalem. Ils enverront le Messie, fils de David, pour le reste d'Israël dispersé dans tous les territoires. Aussitôt, tous les rois du monde les prendront sur leurs épaules et les amèneront au Seigneur, etc.